Excellent article dans l'actualité du début du mois d'avril sur le CF de Montréal ou l'Impact de Montréal, appelez ça comme vous voulez. Moi, pour moi, c'est l'Impact, là. Sur un petit peu une bonne photo de ce qui se passe actuellement. Au match d'ouverture, il y a eu 12 000 spectateurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'interrogations, évidemment, suite à cette foule-là. Et Simon Diot, qui est un journaliste indépendant, a écrit un bon article dans l'actualité. Comme je vous ai dit en début d'entrevue, c'est une bonne photo. Et question de savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé à écrire cet article, on lui parle. Salut Simon! Oui, bonjour. Simon, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à écrire cet article-là? Ben, c'est vraiment parce que je suis un fan ordinaire de soccer et je suis aussi un fan de l'Impact de Montréal. Et j'ai été très enthousiaste quand l'équipe est arrivée en MLS. Le Stade Saputo, je trouve que c'est un endroit vraiment intéressant pour voir du soccer. Mais j'ai senti dans les dernières années, un peu comme tout le monde, une baisse d'intérêt, on dirait qu'on a l'impression que l'équipe fait du surplace, finalement, même peut-être à cause de la pandémie, mais même un petit peu avant ça, commence à chuter dans le cœur des Montréalais. Et je constatais au fil de mes lectures que l'équipe aussi avait des difficultés de toutes sortes, notamment des déficits annuels, des codes d'écoute qui n'étaient pas extraordinaires, semble-t-il. Donc, j'ai décidé de faire un portrait de l'équipe et puisque c'est dans le magazine L'Actualité aussi, qui n'est pas un magazine de sport, c'est un magazine d'intérêt Ben, c'est général, ça, oui. je voulais rejoindre aussi des gens qui sont pas vraiment intéressés à cette industrie-là. Donc c'est vraiment l'équipe. Je me suis interrogé, je savais même pas en commençant l'article exactement que j'avais pas compris que le club était quand même en aussi grave difficulté que je m'y attendais, dans le fond. Je croyais qu'ils avaient des problèmes. Finalement, en faisant mes recherches, en comprenant, je réalise que sans dire que la concession est nécessairement en danger, là, ça, c'est difficile à savoir, mais c'est pas, disons, un club en très bonne santé Ben, Jérémy actuellement. Filosa, l'année passée, a donné 2 ans. Jérémy Filosa, qui couvre Oui. beaucoup l'Impact, a donné 2 ans, mais c'est une prédiction qu'elle dit. Peut-être pas 2 ans, mais tant qu'à moi, là, mais s'il n'y a pas un changement radical dans les prochains mois, ça va être très dangereux. Qu'est-ce que tu as constaté là-dedans? À la lumière de ta photo, qu'est-ce que tu as constaté? Le club est en danger, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est sûr que vous direz que l'équipe était toujours en croissance, évidemment, du début. Au début, c'était vraiment intime au centre Claude Robillard. Après ça, le Stade Saputo, ça a gagné de l'intérêt. Et là, après, peut-être, c'est dur à dire le moment, là, mais Didier Drogba, peut-être le départ. J'ai commencé à avoir peut-être une légère baisse d'intérêt. C'est dur à pointer exactement, là, tu sais, j'ai pas nécessairement analysé les statistiques de chaque match, il y a beaucoup d'informations qui sont pas disponibles, mais l'équipe qui devrait finalement, après 10 ans à MLS, commencer à faire au moins des profits, ben au contraire, c'est une équipe qui demeure toujours déficitaire, les foules sont peu nombreuses, et là, ben, il est arrivé la pandémie et le changement d'identité qui plutôt que ben, qui a vraiment enfoncé l'équipe finalement dans la vase, et on se demande vraiment s'ils vont être capables d'en sortir. Donc des déficits récurrents, ce qui amène l'équipe à devoir avoir des ambitions limitées pour aller chercher des joueurs. Puis la pandémie, le fait qu'ils ont joué beaucoup à l'extérieur pendant l'année 2020 et 2021, ce qui fait que loin des yeux, loin du cœur, les gens semblent avoir perdu un intérêt. Et toute l'histoire du rebranding, ben moi, dans mon article, je me pose pas vraiment la question à savoir si le nouveau logo est beau, il est pas beau. La seule chose que je constate, c'est que ce changement-là amène depuis plus d'un an une atmosphère négative à l'encontre du club. Et là, ben, quand tu es dans une situation où tu as déjà de la difficulté à attirer des gens, ben, en plus, tu as une ambiance négative, peut-être que ça devient difficile peut-être même de survivre. Et parallèlement, qui est même en dehors de l'impact, c'est ça que j'ai un peu découvert en faisant mon article, que peut-être que des gens là, qui suivent ça à la lettre étaient déjà au courant. Mais c'est vraiment la montée en puissance de la MLS, c'est-à-dire que les équipes sont de plus en plus riches, ils ont de plus en plus d'argent. Et donc, d'un côté, tu as l'impact qui perd de l'argent dans MLS, puis de l'autre côté, tu as des équipes qui font de plus en plus d'argent, qui construisent des stades de plus en plus gros. Et là, on commence à se demander si le CF Montréal va pouvoir suivre la parade. Et comme je l'ai dit dans mon article, ça me fait penser un peu aux Nordiques à la fin du règne ou des expos. Plus les expos, à la fin, Nordiques, plus, parce que les Nordiques, ils n'ont jamais perdu d'argent. Hein. Fait que non, ça c'est vrai, mais on sentait que ils allaient finir par déménager, puis qu'ils n'avaient pas, à cause du petit marché du Colisée, ils n'avaient peut-être pas l'argent pour aller payer des salaires. On sentait, c'est pour ça qu'ils ont déménagé, qu'ils n'allaient pas pouvoir suivre la parade. C'est un peu la même affaire. Les expos n'étaient pas capables de suivre la poussée inflationniste des salaires dans la ligue dans la Major League Soccer Baseball. Mais on s'est peut-être on s'est peut-être pas donné aussi les moyens aussi. Ça, c'est un autre débat. Ça, j'en ai. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si les expos auraient pu survivre. Et la même affaire, disons qu'il y a des signes d'inquiétude concernant l'avenir du CF Montréal. Tu as parlé aux Ultras, tu as parlé, parce que ça, c'est majeur aussi ce qui est passé. Oui, il y a le rebranding, mais le fait que les Ultras ont été expulsés du Stade Saputo, ça aussi, ça a fait mal. Ben c'est ça, c'est chaque facteur pris indépendamment, c'est pas très grave. En ce moment, ce qui touche le CF Montréal, c'est surtout le cumul, tu sais, les baisses d'assistance. On semble parler, mais j'ai pas pu avoir la confirmation des baisses de cote d'écoute. L'atmosphère négative, le rebranding. Et là, ben, t'as en plus les ultras qui sont en réalité pas tellement nombreux. Eux-mêmes peuvent même pas me dire sont combien. C'est un petit groupe, mais on dirait que c'est la goutte qui fait déborder le vase, pardon. Donc, les ultras ont grand impact sur l'atmosphère au Stade Saputo. Moi, j'ai des amis qui sont abonnés de saison, puis ils ont vraiment constaté là que depuis que sont plus là les ultras, il manque quelque chose au Stade Saputo ou au Stade Olympique, parce qu'il y a eu des matchs en début de saison au Stade Olympique où je suis allé aussi. Et donc, ce qui fait qu'il y a vraiment tellement d'éléments négatifs sur le club qu'il faut vraiment qu'il y ait un revirement. Quel serait ce revirement qu'il faudrait faire? Écoute, il y a beaucoup de choses que Gabriel Gervais devrait faire, là, d'ailleurs. Là, c'est sûr que moi, je pense que développer dans les régions, ce ne serait pas une mauvaise affaire. Ensuite de ça, ben, il va sûrement se rapprocher des médias. C'est très difficile, les médias, on sait. Ensuite de ça, s'impliquer, moi, t'as dit, comme les Alouettes ont fait, comme Larry Smith a fait pour relancer l'équipe. Oui, bien, probablement. Moi, j'ai pas vraiment de solution, là. Parce que je me considère pas assez professionnel dans la gestion d'un club. J'aime moins être gérant d'estrade. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il renverse la vapeur. Et je sais même pas par où ça doit passer. Est-ce que ça doit revenir avec le nom de l'Impact de Montréal? Oui, on me posait la question en autre entrevue. Je sais pas. Moi, je sais pas parce que j'ai pas les données. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, peut-être auprès des abonnés de saison, qu'est-ce que les gens pensent du changement de nom. Mais je sais pas qu'est-ce que les gens vraiment en pensent. Moi, le taux d'entourage, j'ai interviewé quand même beaucoup de gens. Il n'y a personne qui est emballé par le changement de nom. Vous direz qu'ils n'ont pas réussi à... Ils ont réussi à faire des ennemis, mais peu de gens enthousiastes. Donc, il y a une réflexion à faire. Et, bon, mon article, moi, a été fait en janvier et février. C'était prévu au départ, quand j'ai communiqué avec l'organisation au mois de novembre. On s'était dit, je vais interviewer le nouveau président en janvier, puis l'article va porter beaucoup sur le nouvel élan que le nouveau président va donner, mais finalement, il n'y a pas eu de nouveau président, ça a été très long, et finalement, il a été nommé à peu près la veille où l'article allait être imprimé, Donc, je me souviens plus. Je pense qu'on a réussi à faire une mention vite, vite dans le magazine. Donc, c'est sûr que j'ai pas les solutions de Gabriel Gervais. Cela dit, je pense pas que lui non plus les a déjà. Il faut qu'il prenne le temps quand même de s'installer. Mais moi, ce que je pense juste, c'est qu'il faut que l'impact redevienne l'impact. Ça, c'est la première affaire. J'ai oublié de mentionner ça, les régions, mais c'est l'impact doit redevenir l'impact. C'est pas compliqué. Probablement, mais en tout cas, au final, il faut que l'équipe réussisse à sortir de cette atmosphère négative qui dure depuis le janvier, depuis qu'ils ont changé le nom. Là. Il faut qu'ils réussissent. Tu sais, si jamais l'équipe soudainement se met à gagner par remporter le championnat, on va l'oublier, là, mais bon, c'est quand même peu probable. Là. Mais il faut qu'ils réussissent à dévier la trajectoire pour qu'on aille vers un message plus positif. Il faut qu'on ait le goût d'aller les voir. En ce moment, on dirait qu'on a un peu moins le goût. C'est ça un peu ce qu'on constate. C'est sûr que moi, quand j'ai fait mon article, Ismaël Koné, on n'avait même pas entendu parler, à part qu'il y avait un aussi. Contrat. Pardon? Oui, ça, j'en parlais dans mon article, oui. Qui devient un des bons joueurs de la MLS, là. Qui va probablement être vendu. Sur le terrain, je mentionne en début de mon article. Ça semble pas mauvais sur le terrain. Moi, j'ai aucun intérêt cette année pour l'impact, mais tu te dis pourquoi, à cause de ça. Moi, ça m'a quand même, le lien a été coupé pour ça et d'autres choses également. Mais ce que j'entends à travers les branches, Mihailovic est quand même pas est un des bons joueurs. Lui, il va être vendu, fait que ça va rapporter de l'argent. Koné, tu as parlé d'Ismaël Koné, c'est vrai également. Donc ça aussi, mais faut que tu les vendes, hein? Ben exactement. Et ça, c'est la nouvelle stratégie du CF Montréal, c'est-à-dire de devenir un club qui un peu un club formateur, une pépinière de talents qui vont revendre ses joueurs ailleurs. Ça peut-être marcher, mais c'est aussi difficile à savoir si les Montréalais vont l'accepter. À un moment donné, si quelques joueurs sont très bons et performent, puis finalement, plutôt que les garder, on les vend. Comme c'est déjà arrivé pour les expos, hein, il y a une année où vous avez échangé, je m'en souviens parce qu'à l'époque j'étais un fan Pedro des. Martinez. Oui, exactement. Puis mais, je pense même plus avant, ouais, Larry Walker, Grissom, il y avait la même jour, Marquise Grissom, ensuite de ça, Kenny Hill et exactement. John Wetland. Le même et, jour. C'est ça. C'était quelque exactement. Chose. Ben là, on les a en disant qu'on pouvait pas les payer. Bon. Et là, l'impact, eux autres, ils voudraient les revendre. Ouais. C'est un modèle qui marche, mais je sais pas. Je pense pas que les Montréalais veulent d'un espèce de club. Ce serait pas un club de seconde division, là, mais un club, tu sais, qui est plus une espèce de club qui est à la remorque des autres. Surtout quand on va voir que Toronto, eux autres, ils ont pas l'intention d'être à la remorque. Et l'ennemi éternel. Donc, fait que c'est un modèle que on comprend. Ils ont peut-être pas le choix pour le moment. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? C'est une bonne question. OK. Simon Diotte, très, très, très intéressant. Merci beaucoup et au plaisir de se parler nous tantôt. Au plaisir, merci. Au revoir. Il a écrit un article dans l'actualité sur un petit peu le CF de Montréal. Bonne photo de ce qui se passe actuellement.